l'humanité, alors pourquoi la fracture sociale? On commence à payer cher la culture communautaire. Discours des éthères, on est tous nés sur la même terre. Ne bouge pas, reste là, du sentier ne t'éloigne pas. Reste donc avec ton troupeau et comporte-toi comme un veau. Faut pas se faire remarquer, les jésuites t'ont formaté à bien rentrer dans le boule, même si ça te fout les boules. On commence à payer cher. Sinon on te met des claques. Adieu ta féminité, Adidas t'a rhabillé. Tu ne ressembles plus à une fille mais à un haltérophile. On commence à payer cher.